بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل الآن في المسألة 25 بعد 100، 75 مسألة. في قوله تعالى: الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات. Dans le sens où il dit que les mauvaises sont pour les mauvais, et que les mauvais sont pour les mauvaises, et que les bonnes sont pour les bons, et que les bons sont pour les bonnes. Sourate An-Nur, verset 26. قال رحمه الله تعالى: هذه الآية الكريمة نزلت في براءة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها مما رميت به. Donc ce noble verset est descendu dans l'histoire de Aïcha lorsqu'elle fut accusée d'une chose dont elle était innocente. وذلك يؤيد ما قاله عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم من أن معناها الخبيثات من النساء للخبيثين من الرجال، والخبيثون من الرجال للخبيثات من النساء، والطيبات من النساء للطيبين من الرجال، والطيبون من الرجال للطيبات من النساء. أي لو كانت عائشة رضي الله عنها غير طيبة لما جعلها الله زوجة لأطيب الطيبين صلوات الله عليه وسلامه. Donc cela est appuyé parce qu'a dit également Abdurrahman ibn Zayd ibn Aslam que le sens du verset, c'est que les mauvaises des femmes sont pour les mauvais des hommes, et que les mauvais des hommes sont pour les mauvaises des femmes, et que les bonnes parmi les femmes sont pour les bons des hommes, et que les bons des hommes sont pour les bonnes des femmes. C'est-à-dire que si Aïcha radhiyallahu anha avait été une mauvaise femme, Allah azawajal ne l'aurait pas accordée comme femme à la meilleure des personnes. Sallallahu alayhi wa sallam. وعلى هذا فالآية الكريمة يظهر تعارضها مع قوله الله تعالى ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط إلى قوله مع الداخلين وقوله أيضا وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون. Et donc ce verset, dans ce sens-là, serait en contradiction avec la parole dans le sens où Allah a dit que Allah a donné en exemple pour ceux qui ont mécru la femme de Noé ainsi que la femme de Lot. Et c'est ce qu'ils disent, qu'ils entreront au feu avec ceux qui y entrent. At-Tahrim, l'interdiction, verset 10. Et sa parole dans le sens également où il dit que Allah a donné un exemple de ceux qui ont, pour ceux qui ont cru, la femme de Pharaon. Tahrim, verset 11. إذ الآية الأولى دلت على حبث الزوجتين الكافرتين مع زوجيهما من أطيب الطيبين وهما نوح ولوط وعليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام والآية الثانية دلت على الطيب على طيب امرأة فرعون مع خبث زوجها. Car le premier verset démontre quoi? L'exemple de deux femmes mauvaises, mécréantes, qui ont été mariées à deux des meilleurs des hommes qui sont Nour et Lot, alayhi salam. Et que le deuxième verset, lui, vient démontrer la bonté justement d'une femme, la femme de Pharaon qui était Asiya, alors qu'elle était avec un homme mauvais, qui était Pharaon. Qala al-jawab fi ma'na al-ayat wajhain lil-ulama. Anna fi ma'na al-ayat wajhain lil-ulama. Donc la réponse. Les ulémas ont donné une réponse de deux façons. الأول وبه قال ابن عباس وروي عن مجاهد وعطاء وسعيد ابن جبير والشعبي والحسن البصري وحبيب ابن أبي ثابت والضحاك كما نقله عنهم ابن كثير واختاره ابن جرير أن معناها الخبيثات من القول للخبيثين من الرجال والخبيثون من الرجال لخبيثات من القول والطيبات من القول للطيبين من الرجال والطيبون من الرجال للطيبات من القول أي ما نصبه أهل النفاق إلى عائشة من كلام خبيث وهم أولى به وهي أولى ببراءة والنزاهة منهم ولذا قال تعالى أولئك مبرؤون بما يقولون وعلى هذا الوجه فلا تعارض أصلا بين الآيات. Donc première version donné de la réponse, celle qui était apportée par plusieurs Mufassirin, à leur tête Ibn Abbas, radiallahu anhu, et cela est rapporté par Ibn Kathir, qui dit que le sens, que les mauvaises, en fait, paroles, sont pour les mauvais des hommes. Et que les mauvais des hommes s'appliquent sur eux les mauvaises paroles. Et que les bonnes paroles sont pour les bons parmi les hommes, et que les bons des hommes ont droit aux bonnes paroles. En fait, c'est-à-dire que ce que les gens du Nifaq, de l'hypocrisie, ont attribué à Aïcha comme parole mauvaise, eux sont plus en droit de se les voir attribuer. Et elle est plus en droit, justement, d'en être innocentée. Comme dans le sens où Allah dit, et ceux-là sont innocentés de ce qu'ils disent. Donc là, sous ce wedge, comme réponse, il n'y a pas de contradiction à la base entre les versets. Ça, c'est une réponse qui est donnée. Que le khabithat min al-qawl. Wa ghayr dhalika. Al-wajh al-thani wa ma qaddamna ala Abd al-Rahman ibn Zayd wa Ali fal-ishkal dhahirun bin al-ayat. Wallazi tayyib. Donc deuxième réponse, c'est ce que il a cité de Abd al-Rahman ibn Zayd ibn Aslam, c'est-à-dire que les bons des hommes sont pour les bonnes des femmes ainsi de suite. Donc il dit que là maintenant, il y aura un problème entre les versets. والذي يظهر لمقيده عفى الله عنه ان قوله الخبيثات للخبيثين الى اخره على هذا القول من العام المخصوص بدليل امراه نوح وامراه فرعون. Donc ce que l'auteur lui voit comme avis par rapport à ces deux versets, c'est que le verset les mauvaises pour les mauvais, ainsi de suite, ça c'est un verset dans l'apparence générale, mais qui est une chose en réalité spécifique. Et la preuve en cela, c'est justement le verset qui parle de la femme de Noé et de celle de Pharaon. Qala wa alayhi fal ghalibu taqyid kull min at-tayyibat wat-tayyibin wal-khabithat wal-khabithin li jinsihi wa shaklihi al-mala'im lahu fil khubth wat-tayyib aw at-tayyib. Donc cela veut dire quoi? Que les mauvais et les mauvaises seront liées ensemble, et que les bons et les bonnes seront liées ensemble. Ma'annahu ta'ala rabbama qayyada khabithatan tayyib kamar'ati Nuhin wa Lut wa tayyibatan li khabithin kamar'ati Fir'aun. لحكمة بالغة كما دل عليه قوله تعالى ضرب الله مثلا الذين كفروا إلى آخره. Et il se peut parfois que Allah Azawajel attribue une mauvaise à un bon, comme ce fut le cas des femmes de Noé et de Lot, et également une bonne à un mauvais, comme ce fut le cas de la femme de Pharaon. Et cela pour une sagesse voulue, quand même, et une chose amenant à un bien. Comme le prophète dans le sens où il dit que Allah donne en exemple pour ceux qui ont mécru. Après, cita. Les femmes de Lot et de Noé. Tahrim verset 10. Wa qawlihi ta'ala wa daraba Allahu mathalan lil ladhina amanu, qu'Allah donne, cite en exemple pour ceux qui ont cru, et cita justement la femme de Pharaon. Verset 11. Wa ma qawlihi wa tilka al amthal nadribuha lin nas wa ma yaqiluha illa al alimun. Dans le sens où il dit que ces exemples-là, nous les donnons pour les gens. Et seuls les doués d'intelligence les comprennent. Ou plutôt les savants les comprennent. L'Ankabout, l'araignée, verset 43. فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ التَّقْيِيدَ الْخَبِيثَ لِلطَّيِّبِ أَوْ الطَّيِّبَ لِلْخَبِيثِ فِيهِ حِكْمَةٌ لَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعُلَمَاء. Donc cela démontre que le fait d'attribuer une femme mauvaise à un homme bien, ou une femme bien à un homme mauvais, cela contient une sagesse qui n'est comprise que par les ulama. وهي في التقييد الخبيثة للطيب أن يتبين للناس أن القرابة من الصالحين لا تنفع الإنسان وإنما ينفع عملهم. Et cela, c'est quoi parmi les sagesses qu'il y a, mathalan? C'est que justement, la proximité qu'une personne pourrait avoir par rapport à une autre, par exemple qu'une personne mauvaise pourrait avoir avec une personne bonne, cela ne servira à rien du tout. La seule chose qui lui sera profitable, ce sont ses actes, en réalité. أَلَا تَرَوْا أَنَّ أَعْظَمْ مَا يُدَافِعْ عَنْهُ الْإِنسَانُ زُوْجَتُهُ وَأَكْرَمْ الْخَلْقِ عَلَى اللَّهِ رُسُولُهُ فَدُخُولِ امْرَأَةِ نُوحٍ وَامْرَأَةِ لُوطِ النَّارِ كَمَا قَالَ تَعَلَى فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ. فيه أكبر واعظ وأعظم زاجر عن الاغترار بقرابة من الصالحين والإعلام بأن الإنسان إنما ينفعه عمله.